La coopérative de camionnage de Saint-Félicien félicite Marianne Saint-Gelais et Cassandra Bradette de Saint-Félicien pour leur présence aux Jeux olympiques de Pyeongchang. La coopérative de camionnage de Saint-Félicien est un employeur important dans le comté puisqu'il possède des chargeurs de bois. Les bureaux de la coopérative de camionnage de Saint-Félicien sont situés au 905 boulevard Hamel, au numéro de téléphone 418-679-4194. Début de la sixième saison de l'Impact dans la MLS. Ils vont être dimanche à Vancouver. Et pour la circonstance, on a décidé de faire une table ronde. Évidemment, avec tout le monde connaît Benoît Lavoie d'EspaceSoccer.com, la référence du soccer au sein extérieur. Salut Benoît. Et on a décidé de faire, et Benoît vient juste de le dire également, on a décidé de faire un spécial en rejoignant le descripteur des matchs de l'Impact à TVA Sport, Frédéric Laure. Bon matin, Frédéric. Bonjour. Juste vous corriger, c'est la septième saison. Septième saison. OK, 2012. C'était en 2012. 25e d'histoire. Ouais, 25e, OK. Oui. Monsieur Laure, avec Rémi Garde à la tête de l'Impact, c'est un entraîneur qui vient de l'Europe. C'est un entraîneur, donc le foot n'est pas pareil du tout. Comment vous voyez ça? Ah, c'est une bonne question. Comment je vois ça? Moi, je pense qu'on a utilisé le terme entraîneur désigné. Ça s'applique à Rémi Garde. Il a été bon et depuis le début. Je pense qu'on peut voir au niveau du terrain, c'est très organisé, très structuré. Les décisions sont claires et la façon de faire, là, je revois la façon des grands clubs, ou du moins une façon un peu plus à l'européenne où le soccer est bien assis et le soccer est centenaire. Faut dire qu'il est centenaire ici au Québec, là, mais on n'a peut-être pas cette culture de professionnalisme parce qu'on est très nouveau. Des fois, c'est d'ailleurs, je fais une parenthèse, ça peut être un avantage justement que d'avoir cette culture soccer nord-américaine. Okay. Rémi Garde est très structuré, et je pense qu'en parlant aux joueurs aussi, ses décisions sont claires. Moi, je me questionne et j'ai hâte de voir comment on va s'adapter à la MLS. Ouais, parce que c'est une bête bien particulière, et il y a vraiment des moments où je pense que ce staff-là va être surpris parce que la MLS offre. Et par les défis, justement, qu'on doit relever. On le voit notamment ici dans le recrutement. Je pense qu'on n'avait pas nécessairement mesuré à quel point il y a une tonne d'amendements, il y a une tonne de clauses qu'on doit respecter quand on va aller chercher des joueurs en MLS. Et c'est pour ça peut-être qu'on se retrouve avec peut-être pas la profondeur qu'on voulait au début de l'année. Et je voulais aussi dire aussi, Rémi Garde, on peut être très, très positif. Mais des fois, j'entends les gens dire que le staff précédent était... les mettre en opposition. Ceux de l'année dernière, moi, je pense qu'il faut garder un peu de respect face à ceux de l'année dernière aussi, qui n'ont pas fait nécessairement une mauvaise job, mais qui n'avaient pas les mêmes moyens. Alors, c'est vraiment, je pense que c'est un, à mon français, un upgrade, parce qu'ils ont Robert Duverne, notamment, qui a fait une finale en 2006. En fait, il y a deux Coupes du Monde, dont une finale de Coupe du Monde en 2006. C'était vraiment un bon staff. Maintenant, là, il faut qu'ils apprennent, ils embrassent l'Inde. Oui, effectivement. Benoît, toi, tu connais également le soccer européen. C'est un soccer plus défensif, peut-être plus orchestré, est-ce que je me trompe en disant ça, comparativement il y a un plus grand système comparativement avec la MLS qu'on y va avec un plus d'instinct. Est-ce que je me trompe en disant ça? Ben, quand tu regardes la MLS, il y a quand même beaucoup plus de buts. Je trouve que la MLS peut avoir un peu une consonance comme la Ligue anglaise par rapport au jeu physique, par rapport à l'intensité que les joueurs y mettent pendant les matchs. C'est sûr que Frédéric vient de dire, c'est certain qu'il y a un apprentissage à faire de la MLS, puis on sait que la saison va être longue. Moi, je suis très perplexe face à la saison qui s'en vient pour l'Impact. Mais comme j'ai mentionné un moment donné sur les réseaux sociaux, l'Impact ne peut pas faire pire en début de saison qu'il avait fait l'année dernière. On se rappelle, ça avait été très difficile en début de saison. Mais oui, il va y avoir une adaptation. Puis je pense que déjà, on voit déjà là une couleur. Ils ont apporté déjà une couleur de jeunesse au niveau des joueurs qui vont s'en venir. J'ai l'impression qu'on va travailler cette phase-là, d'avoir des jeunes au sein du club. Et puis, pour terminer ta question, ben, c'est certain que l'engagement physique en MLS, je crois que ça va surprendre le staff de l'Impact, là. OK. Moi, je suis d'accord. Je ne sais pas si je peux rebondir là-dessus rapidement, là. Mais au niveau de l'engagement physique, oui. Moi, je pense que la MLS, dans sa croissance, il y a le problème avec les grands championnats, parce qu'on regarde souvent à la télé ici le Real Madrid et les suites de se comparer au FC Barcelone, c'est la profondeur des effectifs, hein, la qualité. T'as beau avoir un Saphir Taider qui est un super bon joueur sur le terrain, t'as des fois des joueurs qui gagnent 60 000 et qui valent, dans une certaine mesure, en tout respect, 60 000. C'est sûr que t'as pas la même qualité technique avec un gars qui vaut 60 000 versus un gars qui vaut 1 million. Mais il y a beaucoup d'efforts et je pense que vous l'avez vu en 7 ans que l'Impact est en MLS, le niveau de jeu a vraiment une pente ascendante, s'est amélioré et on s'en va vers une qualité technique et tactique, je dirais aussi, encore meilleure. Est-ce que l'Impact, Frédéric, ça va être très différent, j'ai l'impression, lorsqu'on voit puis vers le milieu de saison quand le mercato va ouvrir? Parce que moi, je m'attendais à voir plus de joueurs de la Ligue française suivre Rémi Garde. Mais il faut dire que le mercato hivernal, c'est pas le même mercato qu'à l'été. Non. Ben non, mais c'est là que je disais que la convention collective est très particulière. C'est là que la structure du club aurait peut-être dû aider un peu plus Rémi Garde. Ouais. En sens. Prenez deux cas en ce moment. Vandrine Lefebvre, qui a été remercié. Oui. Avec c'est peut-être un peu plus personnel à ce niveau-là entre le club et le joueur. Mais en même temps, on le paye à la maison à rien faire, alors qu'on aurait peut-être pu, dans d'autres championnats, l'envoyer ailleurs. Même chose pour un gars comme Dominique Oduro, avec qui on est pris à l'Impact de Montréal. Il est plus dans les plans. Peut-être qu'en début de saison, va devoir dépanner. Mais Rémi Garde a été clair que il n'est pas à long terme là, dans les plans de cette équipe-là. Alors, on est pris avec des joueurs comme ça. Est-ce que j'ai l'impression que Rémi Garde ne serait pas pris avec s'il était encore à Lyon ou dans un club européen? Mais c'est certain qu'avec tout ça, là, l'Impact a encore de l'argent à dépenser. Il a reçu des fins de non-recevoir, des noms de certains joueurs et se retrouve un peu bredouille, notamment à cause de blessures de Diallo. Je pense qu'on a raison ici, les partisans qui nous écoutent ont raison d'avoir d'espoir et quitte même à mettre un peu de pression sur le club en disant que on vous attend. Là, je pense qu'on va avoir besoin de renfort, c'est sans nombre d'un doute prochainement, mais particulièrement en juin, lorsque donc tout honnête, notamment avec l'Europe va s'ouvrir. Benoît, ce qui peut faire mal à l'Impact, c'est la profondeur de l'équipe. Hein, rendu à la 70, 75e minute, c'est là que ça risque de faire mal. Hein? Ben, il va y avoir des blessures aussi, faut pas oublier ça. Il va y avoir des blessures, donc il y a des joueurs qu'on est un peu incertains. Là, je veux dire, le nouveau joueur signé, Ken Kroliski, est-ce que ça va être Jason Vargas, Chamit Chaume, c'est des joueurs que je connais pas beaucoup. On a annoncé le départ de Salazar et puis le défenseur aussi, quoi, le meilleur Giguère. C'est deux joueurs qu'on envoie à Ottawa. Moi, je pensais que Salazar allait rester avec le club. Moi, je suis pas trop au courant au niveau de la blessure Anthony Jackson-Hamel, je crois qu'il est blessé. Frédéric va peut-être me dire un peu c'est quoi sa blessure. Alors, au niveau de l'attaque, on a un manque. Et Dominique Oduro, comme il a été mentionné, est-ce que je pense qu'il n'y a pas eu presque pas de temps de minutes de jeu dans les matchs d'entraînement. Alors, qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là? Oduro, on s'attend qu'il va partir. Mais là, en début de saison, qui sera le deuxième attaquant lors du match de dimanche? Moi, je pose la question aussi à Frédéric. Oui, mais qui sera le deuxième ou le troisième défenseur central? Il y a clairement qui est le troisième milieu de terrain aussi, qui joue au milieu de terrain avec Taider et Piette, parce que ce que je rencontre là, on se rend compte, c'est que cette équipe-là est bâtie pour jouer en 4-3-3. Et si en 4-3-3 d'ailleurs, là, avec si tout le monde pense mon collègue Vincent Détouche en a bien parlé, si tout le monde pense qu'on a besoin d'un 10, on va avoir besoin d'un autre 8 en fait si on joue en 4-3-3. Ce sont des joueurs qui vont. Taider et un autre devraient jouer en piston. Donc, oui, qui est l'autre, le prochain attaquant? Parce que Jackson Hamel, à ce que je comprends, ne sera pas là, ça c'est certain, dimanche. Ouais. Il ne devrait pas être là à Columbus. Et un cas incertain pour le premier match contre Toronto aussi, déjà. Est-ce qu'on ramène Oduro qui a joué 0 minute en pré-saison? Qui joue dans la troisième position au milieu de terrain avec Taider et Piette? Est-ce que c'est Kroliki? Est-ce que c'est Vargas? Est-ce que c'est Chaume? une autre question à se poser. Et qui joue finalement en défense centrale? Aitala avec Cabrera, qu'est-ce qui arrive si un des deux se blesse? Qu'est-ce qui arrive si un des deux fait pas le travail? Est-ce qu'on remet Duval dans l'axe? Est-ce qu'on met Donadel? C'est même un peu farfelu que de remettre Donadel en défense centrale. Il y a vraiment là un gros problème de profondeur et je pense que ils l'avoueront pas nécessairement, mais je pense qu'ils en sont plus que conscients en ce moment et ils sont à pied d'œuvre pour peut-être se trouver des solutions de rechange. Hier, j'ai pas servi au magazine de l'Impact cette semaine. Je l'avais jeté. Ouais, mais Adam Rez disait, on cherche des solutions peut-être même à court terme, là, pour un 6 mois. Est-ce qu'un Rod Fanny pourrait venir pour 6 mois? Moi, j'ai parlé à l'entourage de Damien Périnel. Il est sans club présentement. Est-ce qu'il pourrait venir, lui, Périnel, pour 6 mois? Est-ce qu'un Aurélien Collin, qui est peut-être plus dans les cartes à New York, pourrait être une solution de rechange? C'est les questions à laquelle est confronté Adam Braz, même au moment où on se parle. Frédéric, je t'écoute, là, ça va te faire du matériel pour l'Impact cette semaine, pas à peu près. Des questions, des questions à poser, pas beaucoup de préparation pour ton, ce que tu vas faire, c'est des questions, ça, parce qu'il y a beaucoup de choses à commenter et à analyser. On va avoir une partie des réponses dimanche. Hein. Ouais, ok. Mais je pense qu'on est rendu là. On est tanné de se poser des questions, on veut des réponses, on va en avoir en partie dimanche. OK. Je vais poser la dernière question à Benoît. Par la suite, Frédéric, il y a des amateurs qui ont voulu te poser des questions. Benoît, l'absent, ça va être la première fois que ton idole ne sera pas là, Patrice Bernier. Est-ce que... C'était mon joueur préféré des dernières années. C'était ton joueur préféré. Est-ce que l'absence d'un leader comme Patrice Bernier dans la chambre, on dit souvent ça au hockey, est-ce que ça pourrait faire mal aussi? Ben moi, je pense que oui, c'est certain. Là. Tu peux pas remplacer un Bernier tout de suite comme ça. Là. Écoute, moi, on a suivi son parcours des dernières années avec l'Impact, puis on va se rappeler les mais, puis on sait la considération qu'il y avait, puis qu'il n'y avait pas nécessairement non plus au niveau du club. Moi, je considérais qu'il y a eu un grand manque de considération. Là, on le considère parce qu'on lui donne l'ambassadeur du 25e anniversaire. Ça, j'ai quand même apprécié cette annonce-là. Maintenant, Rémi Garde a annoncé qu'il n'avait pas seulement... Présentement, il n'a pas trouvé son capitaine. Je pense que Piette va être un futur bon capitaine. Et par rapport à son âge, son 22 ans, je pense 22, 23 ans, je pense qu'il n'est pas tout à fait prêt. Piatti, je pense qu'il manque peut-être de leadership au niveau de la chambre. C'est quand même... Comme je peux le voir un peu dans les entrevues qu'il fait, souvent, ça semble un joueur semble assez fermé, renfermé quand même. Ça peut être un bon leader sur le terrain. C'est probablement le meilleur joueur de l'Impact, mais ça ne sera pas si simple que ça remplacer un Patrice Bernier. Pour le capitaine, en tout cas, j'ai hâte de voir le futur au niveau de jusqu'à le milieu de saison, en tout cas. Oui. Bon, Frédéric, j'ai des questions que des amateurs qui ont voulu te poser. C'est Luc Tremblay. Il y a deux, trois bonnes questions. D'abord, il te félicite avec toi et Vincent Destouches pour ton travail à TVA Sport. Puis il te demande en même temps... Merci. Que penses-tu demande-lui, qu'est-ce qu'il pense des matchs joués à moins 15 degrés au Colorado, comme la semaine passée? Et combien il évalue les chances de Toronto de gagner la Ligue des Champions? Ça c'est deux excellentes questions. Pour les moins 15, écoutez, je suis pas féru en termes de préparation physique, à savoir quel impact ça a sur le corps. J'ai vu une partie du match. Il faut dire qu'on était en début de saison aussi pour les deux. Hein. On est à peine dans la reprise. C'était un bon match, je pense, dans la mesure du possible. Toronto, encore un régal, il va être très fort cette année. Et on parle de Mercato. Eux, ils l'ont pas raté. Ils sont même... Ils ont peut-être connu une des meilleures, sinon la meilleure saison de l'histoire en MLS. Et ils sont renforcés cette année. C'est vous dire comment Toronto est bien géré ces temps-ci. Moi, les moins 15, en fait, j'ai tout le temps dit, puis ça s'applique à Montréal aussi. Pourquoi pas? Je pense qu'on pourrait célébrer c'est un peu... On joue dans la neige en Russie en partie. La température, je comprends qu'on aurait peut-être pu remettre le match, mais j'aime ça voir des matchs dans la neige. L'an passé, il y en a eu un au Minnesota, et la Ligue a adoré le premier match là-bas. J'aime ça. Et justement, on se plaint tout le temps qu'on s'en va jouer en CONCACAF, l'équipe nationale canadienne, en après-midi au Honduras à 40 degrés Celsius. Ils font exprès pour nous faire jouer que ce soit au Honduras ou au Costa Rica. Ben moi, j'aimerais ça qu'on fasse la même chose, que le Honduras vienne ici, que les gels à moins contre Samuel Piette et les gars qui sont habitués un peu de jouer dans la neige. Ça serait un avantage. Et justement, On s'en tient. Je sais pas, quand on parle de culture soccer, c'est comme ça qu'il faut l'implanter ici. Ici, là, on n'a pas le choix, ça joue dans la rue, puis nous, nos rues, ils ont de la neige. Ben oui. Moi, ça joue dans nos parcs, il y a de la neige dans nos parcs. OK. Puis Toronto. Je sais pas si ça répond. Ah, puis Toronto, moi, je les vois aller loin. Pourquoi pas? Et c'est un défi. Hein? Je pense que ce que j'ai entendu beaucoup en faisant le tour de la Ligue dans l'entre-saison, les Sounders, et particulièrement chez les joueurs, j'ai beaucoup entendu parler de la Ligue des champions. Je sais que c'était un objectif aussi pour Toronto. Okay. Il va y avoir des gros défis, mais Toronto s'est renforcé encore. Si on peut mettre la machine en marche et si Toronto peut en début de saison se concentrer là-dessus, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et ça serait je sais pas si ce serait enfin cette étape-là qu'on attend à MLS, mais moi j'y crois. Je pense que s'il y en a une équipe qui est équipée depuis le début, c'est bien Toronto. Je vous avais demandé 15 minutes sur la dernière question que je vais vous poser. Je l'adore. Je réponds longtemps, je suis désolé, je l'adore, puis je vais faire mon chiolage. C'est elle vient de Simon Langteau. Est-ce que l'Impact devrait développer plus sa clientèle en région? J'adore cette question-là parce qu'on est de la région, puis moi je peux te dire une affaire. Je l'ai dit à Jérémy Filosa l'année passée. J'ai l'impression que l'Impact se fout des régions. Et parce que moi, j'essaie d'avoir, je vais le compter là en ondes, d'avoir un joueur de l'Impact par mois, et ça semble compliqué. C'est pas gros un joueur d'Impact par mois en entrevue, là. Et je peux vous dire une affaire, Benoît Lavoie est là comme témoin. Dans le journal de Québec, les pointages de l'Impact sont même pas dans le journal. Donc, il y a un gros travail à faire du côté des régions. Et malheureusement, l'Impact, ça semble compliqué. Je sais pas si comment vous voyez ça, vous. Moi, je suis d'accord. Dans une certaine mesure, il y a plein de nuances, une tonne de nuances partout, c'est naturellement, il y a des zones de gris. Oui, l'Impact, mais on le voit, hein, l'Impact, le soccer en Amérique du Nord, c'est un sport dans un premier temps qu'on se rend compte chez les amateurs très urbains, c'est dans un premier temps, donc on le voit à Seattle, hein, on le voit partout même où ça va très bien, c'est les gens du centre en général qui vont au stade. Ça c'est un, mais ça un n'empêche pas l'autre. On a un gros, gros travail d'amener l'Impact. Ça passe par nous aussi à TVA Sports, ça passe par les médias, et puis ça, mais particulièrement par la volonté du club, à l'amener en région, à faire de cette équipe-là l'équipe de la province. Il y a ce travail-là, mais en même temps, il y a aussi plein d'autres travail à faire. Ça demande des ressources, ça demande du monde, là, une équipe. Et pour l'instant, je pense qu'on est encore dans une phase de croissance à l'Impact de Montréal. On n'a pas les ressources nécessaires pour bien faire de travail à ce niveau-là. Je pense qu'on peut mieux faire dans certaines façons pour diffuser certains ce n'est que d'entrevues où on parle de la présence notamment à Québec. Notamment, moi, c'est vrai que dans le Journal de Québec, puis mes amis de Québec, qui est une belle région de soccer, hein, une des meilleures régions de soccer au Québec, la capitale, là. On a du meilleur travail à faire de ce côté-là, mais les ressources il manque peut-être de ressources à ce niveau-là, puis de capacité de, je dirais, de firepower, je sais pas si... Et de volonté un petit peu, parce que une fois par mois, c'est quand même pas exagéré, là, demander d'un joueur une fois par mois, je demande pas toutes les semaines, là, je demande une fois par mois, j'exagère pas, je pense pas, là, un joueur différent, Ça, je ne saurais pas dire, mais je pense qu'au niveau... je suis pas certain si c'est de la volonté, mais il y a peut-être de la capacité à ce moment-ci de l'histoire de l'Impact de Montréal que de vraiment renvoyer ça. Je te mentionnerais, Danny, c'est sûr qu'au niveau, c'est au niveau des radios, peut-être qu'il y a un travail à faire à ce niveau-là. Comme toi, c'est au niveau du web, au niveau de la radio. Il y a l'ouverture des radios aussi dans la région. Ils sont pas toujours ouverts, les commentateurs, les analystes sont pas trop ouverts encore au soccer. Il y a des stations que c'est carrément, le soccer est très loin dans leur intérêt. Donc, il y a ça aussi, là, Benoît a très raison, parce que vraiment, puis c'est le même problème aux États-Unis. Regardez les PTI, je sais pas si à ESPN, c'est des hommes de 40-50 d'années un peu qui connaissent rien au soccer, qui ont grandi notamment avec le baseball. Moi, j'écoutais Mario Langlois hier, qui parlais de Seattle, puis il disait, il y a deux sports majeurs à Seattle, en parlant de l'équipe de hockey qui arrive, là. Il y a le baseball, puis il y a le football. Et hey, monsieur. Non, attendant, il y a les Sanders, là, ouais. ça roule fort là-bas. Alors, à un moment donné, quand il y aura un changement de génération, quand il y aura des plus jeunes qui prendront ces postes-là, que ce soit à Québec, que ce soit à Chicoutimi, que ce soit à Montréal, il y aura des gars qui n'auront pas peur de parler de soccer. Il y aura des gars qui ont grandi avec l'Impact de Montréal. Ils vont pouvoir vraiment en parler, puis ils vont pouvoir en discuter. En général, il y en a de plus en plus. Hein. Il y en a. Je pense notamment à moi, c'est Jean-Charles Lajoie qui a embrassé le soccer à un moment donné. Jérémy Filosa. Oui, Filosa. Ouais. Qui était un gars de baseball, Jérémy. Qui connaissait rien au soccer à l'époque, puis qui est un gars de baseball, puis qui en parle très bien en ce moment. Ouais, mais il y a aussi le fait, puis je vais vous laisser là-dessus, je pense que les gens au Québec comparent encore le soccer au hockey. Peut-être. C'est pas mal. Moi, je pense qu'il y a des gens... Oui. Oui, Benoît? C'était pour terminer, je voulais demander à Frédéric s'il avait goûté au vin Umberto César. Il est sorti, Benoît, là, quand on dit l'Impact de Montréal peut faire mieux, voici un département dans lequel il peut faire mieux. J'ai pas encore reçu de bouteille pour y goûter, pour pouvoir faire ma critique. Je pense que j'attendais une caisse à mon bureau, c'est pas encore arrivé. Alors qu'il y a des gens de l'Impact qui écoutent, ils dormaient au gaz. Il y a des commandateurs qui ont besoin de vin ici. Bon, okay. Ça veut dire que c'est sûrement pas arrivé au Lac-Saint-Jean, ça, là. Donc, Frédéric, on t'écoute à 17h30 avec l'émission d'avant-match, je pense, c'est dimanche sur TVA Sport, et on écoute le magazine également de l'Impact qui est commencé depuis hier, c'est le jeudi, depuis je pense. Avec notre nouvelle acquisition, Patrice Bernier. Ouais. Maintenant, on est le jeudi, 18h30. C'est sûr que Benoît va l'écouter. C'est sûr et certain. Oui. Ah, super. Mais parfait. Mais si vous voulez, je peux vous donner un scoop. Vous allez être les premiers à le savoir. Dimanche, on a une programmation bien spéciale. Dès dimanche midi, sur Facebook, on a un Facebook Live avec l'ensemble de l'équipe. On fait un repêchage un repêchage de MLS. Patrice Bernier, Assun Camara, Vincent Létouche, Jonathan Beaulieu-Bourgault et moi, on se fait un repêchage MLS. On essaie de se créer la meilleure ligue MLS. Alors, ça devrait durer une heure et demie sur Facebook Live. Et après le match aussi, on a une entrevue exclusive, une émission à vous proposer. C'est David Beckham à la conquête. Ah oui. Alors, on a une demi-heure d'entrevue avec David Beckham tout de suite après le match. Fait que c'est notre dimanche. On voulait marquer le coup pour le premier match de l'année de l'Impact. Fait qu'on fait ça dimanche. D'ailleurs, c'est ça, les gens vont pouvoir voter pour ce qui est du Facebook Live, pour la meilleure équipe. Là. On va essayer de vous convaincre qui est le meilleur directeur technique. OK. Ben, Frédéric... On partage aussi? Oui, bien sûr. Oui. Frédéric, gros merci, Frédéric, d'avoir pris du temps. Je t'avais demandé 15 minutes, on a fait 22. Excuse-moi pour ça, pour le retard. Il n'y a aucun problème, c'est moi aussi qui parle longtemps. OK. Benoît, nous, on se reparle dans deux semaines avec... Là, on va parler un peu des ligues européennes dans deux semaines. On ne l'a pas fait cette semaine, là, mais on va le faire dans deux semaines. Donc, Benoît Lavoie, d'Espace Soccer, et Frédéric Laure de TVA Sports. Merci.